Comme tous les samedis, les sciences dans l'actualité, voici les aventuriers avec Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Pierre. Alors que se déroulent en ce moment les états généraux de la bioéthique, vous avez rencontré le célèbre généticien Axel Kahn. Oui, Axel Kahn, une star de la génétique, un homme brillant, un chercheur atypique. D'abord, il est drôle et puis c'est un homme qui marche beaucoup, c'est sa façon de méditer. Vous vous souvenez peut-être qu'il a traversé la France en marchant 1600 km, il en a d'ailleurs fait un livre. Fabienne, Axel Kahn est surtout connu du grand public pour ses actions de vulgarisation scientifique et ses prises de position sur des questions éthiques. Il a des positions très nettes sur le clonage et les OGM. Il a d'ailleurs travaillé au sein du Comité consultatif national d'éthique de 1992 à 2004. Axel Kahn m'a expliqué que les gènes sont une découverte très récente. C'est en 1944 qu'un chercheur a montré que les gènes étaient portés par l'ADN. On sait aujourd'hui comment manipuler ces gènes pour soigner des maladies. Mais qu'est-ce qu'un gène au fond, Pierre? En écoutant Axel Kahn, tout devient limpide. Aujourd'hui, que sait-on des gènes? Pour l'essentiel, les gènes sont des molécules d'ADN. Ils fonctionnent sur un mode universel qui a rendu possible le génie génétique. Mais les gènes ne font pas tout. En particulier, un gène, il dort ou il fonctionne. Il est réveillé, il fonctionne très fort ou il ne fonctionne pas fort. Il y a tout un appareillage qui intervient dans le fonctionnement des gènes. Et cet appareillage lui-même, il est soumis à une régulation qui va modifier le fonctionnement des gènes. C'est ce que l'on appelle les modifications épigénétiques. Fabienne Chauvière, l'épigénétique, c'est le grand sujet de ce début du 21e siècle. Oui, parce qu'il y a peu de temps, on pensait que les gènes faisaient presque tout, qu'ils déterminaient notre personnalité, à la limite, nos goûts. Mais avec l'épigénétique, on découvre que l'environnement, nos expériences jouent un rôle très important. Les gènes sont alors transformés et cette transformation est héréditaire. Prenons un exemple d'épigénétique. Après la guerre de 39-45, la sous-alimentation a persisté beaucoup. Si bien que les femmes qui ont été enceintes en 45-46 et encore jusqu'en 47 ont été très dénutries. Et leurs enfants qu'elles portaient sont nés avec un petit poids. Ils sont une proportion importante à avoir développé de l'hypertension artérielle, de l'obésité, du diabète. Eh bien, les enfants de ces enfants, eux aussi, ont une fréquence plus grande de susceptibilité, de risque de développer ces maladies dont j'ai parlé, l'hypertension, l'obésité et le diabète. C'est-à-dire que cette modification acquise liée à la sous-nutrition in utero des enfants, liée à la carence de leur mère enceinte, non seulement a modifié ses enfants, mais a modifié plusieurs générations. Cette anomalie épigénétique a été transmise sur plusieurs générations. Pas toutes les générations. La grande différence, c'est qu'une mutation se transmet ad vitam aeternam, alors qu'une modification épigénétique se transmet simplement sur un certain nombre de générations. Voilà le plus bel exemple de modification épigénétique, mais vous voyez bien que ces modifications-là jouent un rôle très grand dans la pathologie humaine, en réalité. Les gènes, autrement nous ne serions pas libres, ne déterminent pas un destin. Les gènes déterminent les propriétés des cellules, c'est-à-dire les propriétés des organismes. Mais le destin et la rencontre avec un organisme d'une variété de propriétés et un environnement au sens large du terme, environnement humain, affectif, psychique, environnemental, climatique, qui lui n'est pas génétiquement déterminé. Voilà la différence entre les gènes qui déterminent des propriétés. Les propriétés peuvent influencer le destin. Les gènes ne déterminent jamais un destin. Voilà, Axel Kahn, le généticien, avec Fabienne Chauvière, les aventuriers à réécouter sur franceinter.fr, 6h24.